nouveauté hors classement. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Vous sortez du sport, vous sortez du taf, ou peut-être que vous y allez au taf, vous avez besoin de motivation. Bah écoutez, vous avez choisi la bonne radio, c'est Charlie, c'est la Hitlist Énergie avec Léonie qui arrive. Très bon, j'adore Léonie, très très forte, c'est une énorme star en Allemagne. Hein. Léonie, elle a une voix incroyable, c'est un peu la Louane allemande. En vrai, énorme star, voix de ouf et qui cartonne en plus à l'international. Elle a été nommée plusieurs fois au Energy Music Awards, je l'ai rencontrée d'ailleurs au Energy Music Awards. Une amie, Léonie, on se connaît très bien, c'est une amie proche même. Et elle est de retour avec un nouveau hit, vous allez voir, c'est une reprise. On va voir si vous reconnaissez l'original, c'est très très bon. 37e ce soir de Lightlist Energy, on chante avec elle, Léonie qui arrive et Coldplay juste après. 16h-19h sur Energy, c'est Camille Combal. C'est Mardi Gras aujourd'hui. Vous aimez les soirées déguisées ou pas dans l'équipe Ornella? Oui, moi j'adore les soirées déguisées. Toujours j'aime bien. C'est ma hantise. Moi je vais vous dire un truc, les soirées déguisées c'est quoi? C'est juste mettre un masque sur qui on est vraiment. Waouh. Wow. Et ben voilà. Donc les enfants déguisés aujourd'hui, vous êtes des faux culs. Le nouveau rendez-vous de l'après-midi, Camille Combal, 16h-19h, tous les jours sur Énergie. Pendant le mois de l'occasion, profitez d'offres à partir de 120 euros par mois sur nos modèles hybrides, électriques et autres motorisations reconditionnées et disponibles immédiatement. Rendez-vous dès maintenant en concession ou sur spoticar.fr. LO à 50 mois pour C3 PureTech de 11 390 euros, premier loyer de 2 100 euros, puis 49 loyers de 120 euros. Option d'achat finale, 5 695 euros. Montant total dû en cas d'acquisition, 13 675 euros. Si acceptation crédit par, voir détails sur spoticar.fr. Pensez à covoiturer. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Pendant les 25 jours Waouh, Auchan fait le choix de vous faire cagnoter 50% sur une sélection de produits de nettoyage avec votre carte Waouh. 50%? Oh, effet Waouh garanti sur mes économies. Auchan, le choix, le bon. Des 15 euros d'achat et dans la limite de 60 euros d'achat, valable jusqu'au 16 mars dans vos magasins et drive Auchan participants sur les gammes Dashpod, Fairy lave-vaisselle, Lenor assouplissant et parfum de linge. Conditions détaillées sur Auchan.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Mon plus beau souvenir depuis que j'ai gagné Euromillion, c'est la tête de ma famille quand je leur annonçais que je partageais avec eux. Ce vendredi, méga jackpot Euromillion de près de 130 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous? FDJ. Montant minimum garanti à partager au rang 1, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. À tous ceux qui vont redécouvrir leur vrai visage aujourd'hui, celui qu'ils ont oublié, celui qui a disparu sous le masque des années, à tous les hommes qui vont renaître aujourd'hui, et à ceux qui vont se retrouver avec une tête de bébé. Intermarché offre 90% en avantage carte sur la tondeuse King C Gillette Steelmaster, soit 3,96€ avantage carte déduit. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 16 mars, 39,63€ prix payé en caisse, modalité sur intermarché.com. Pendant les portes ouvertes Volkswagen, l'ID3 100% électrique est à partir de 149€ par mois. Avec jusqu'à 600 km d'autonomie et 326 chevaux, il n'y a pas que son silence qui va vous laisser sans voix. Pour l'achat d'une ID3 Pure Life Max, LLD 37 mois, premier loyer de 5 000€, après déduction du bonus écologique de 4 000€, puis 36 loyers de 149€ si acceptation par Volkswagen Bank. Offre valable du 1er au 31 mars, donnée WLTP pour une ID3 GTX. Conditions sur Volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Aujourd'hui, vous méritez un nouveau canapé. Oui, vous qui écoutez, vous méritez un confortable poltronnet sofa. Et vous méritez aussi d'économiser 50% sur les nouveaux modèles de la collection. Avec en plus la livraison offerte. Oui, vous aussi, vous méritez un poltronnet sofa. Poltronnet sofa, 30 années de qualité. Et voilà. 30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez remarqué qu'en hiver, on a besoin de vitamines. Et paf, il y en a plein dans les mandarines. Et oui, je dirais que la nature est bien faite. Et vous, vous avez remarqué que du 4 au 8 mars chez Leclerc, les délicieuses mandarines panier du primeur sont à seulement 2,69€ le filet de 1,5 kg. 1,79€ le kilo. Ah bah, les prix Leclerc aussi sont bien faits. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Traitement post-récolte, variété Nadercote et Tangold, catégorie 1, calibre 1, 2, 2, 3 et 3, 4, origine Espagne, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Découvrez Erreur à la barre, le podcast Énergie, qui vous plonge au cœur des plus grandes erreurs judiciaires de notre époque. 6 histoires bouleversantes, 6 vies brisées. Preuves cachées, erreurs statistiques, certitudes et complots. Que révèlent ces enquêtes sur la justice? Et surtout, à qui profite vraiment l'erreur? Écoutez dès maintenant le podcast Erreur à la barre sur l'application et le site Énergie rubrique podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. But lance l'à tout prix. À tout prix, à tout prix. Mais c'est quoi cet à tout prix? En ce moment, chez But, l'à tout prix, c'est la table Maël, style industriel jusqu'à 6 couverts, à 139€ seulement. Ah, alors si j'ai bien compris. C'est à saisir, à tout prix. À tout prix. Dans la limite des stocks disponibles. Numéro 37. When I think about us, it makes me feel kinda homesick. Can we go back in time? It's like we're still in the bar and sing along to Oasis. I wish that I could hide. Lately I feel like I'm so out of touch. Wanna go back when we were drinking so much. It's a forever thing and not just one of those phases.

34. To hear you whine about a broken heart. She's a pistol packing matador, and I'm the bull to taunt. I'm adoring this contortionist who warped my inner thoughts, but I was easy picking, she would listen, and boy, I love to talk. Mesmerizing eyes turn me into stone, and together and how close that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This stud's about to run, and I've hit this line a thousand times. God, I hope this is the one. And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her. And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble and I crack. And you don't ever cry. Hors classement. Call us what we are, toxic from the start. Can't pretend that I was in the dark. When you met my friends, didn't even try with them. I should have known it then that you were jealous and possessive. So manipulating, honestly impressive. You had me participating. Back to you, the X. His favorite game is chess, who would ever guess? Playing with the pieces in my chest. Now he's on the screen, I'm saying don't leave. You saw that line from me, cause you're just jealous and possessive. So manipulating, honestly impressive. Said, I never want to see your face. I mean, I couldn't wait to see it again. We were toxic. Even when I said it was over, you hurt. Baby, can you pull me in closer? You were falling out of stay in my head. We were toxic till the end.

31. No chemicals, just perfect chemistry. Like heaven's touch, you leave a mark on me. Que même le mercredi soir on sent bien, on s'en est bien hein. C'est Charlie, c'est la Eclipse Energy jusqu'à 22h. Les 40 plus gros hits du moment, il y a de quoi danser, il y a de quoi chanter, il y a de quoi être ému aussi avec le nouveau hit de Vita qui arrive, 29e si vous connaissez pas. Vous allez pouvoir chanter avec elle. Vita est de retour sur Energy, 29e, on l'écoute après Dr Yaro. Allez viens, suis-moi, je te mens pas, je suis dans celui-là. Change ta combo, je suis là. J'arrive en prince comme Simba, j'ai le dernier mot. Je te préviens comme ça tu sais. Je crois qu'elle a baptisé. Mal aimé fait des valises. Elle est impatiente, elle aime quand je lui dis que je ne sais pas mentir. On y va. Je suis à 100% depuis que je t'y peux pas te ralentir. Ah, oh ma belle, oh ma belle, oh ma belle, oh ma belle, oh ma belle. Tu m'as rendu ma belle. Allez viens, suis-moi, je te mens pas, je suis dans celui-là. Change ta combo, je suis là. J'arrive en prince comme Simba, j'ai le dernier mot. Comme Simba, j'ai le dernier mot. Comme Simba, ma petite est matrixée. Je te le redis comme ça, tu sais. Je crois qu'elle a pactisé. Elle aime fait tes valises. T'es dans les plaies, bro. Gouma, ça va t'apprendre la Gouma. Laisse-moi réparer. Oh ma belle, oh ma belle, oh ma belle, oh ma belle, oh ma belle. Tu m'as rendu ma belle. Allez viens, suis-moi, je te mens pas, je suis dans celui-là. Change ta combo, je suis là. J'arrive en prince comme Simba, j'ai le dernier mot. Comme Simba, j'ai le dernier mot. Comme Simba, dernier mot, Simba. numéro 29. Hors classement. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. Here for someone else, it's good to see your face. talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Numéro 28. Toute la soirée, toute la nuit, c'est Charlie Select, c'est Energy avec Damiano qui arrive. Damiano David himself qui sera chez Camille demain. Trop content, il est de retour chez Camille. Damiano David à partir de 16h. Mettez-vous un petit rappel sur le téléphone. Demain, 16h, Damiano David qui va chanter en live en plus chez Camille Combal en direct sur Energy. Vous mettez un petit rappel. Comme ça, en plus, quand vous aurez la notification, ça voudra dire que bah, il est 16h, c'est quasiment la fin de journée de boulot. Bim, double bonne nouvelle. Vous allez pouvoir vous marrer avec Camille et avec Damiano à partir des 16h. Et puis ce soir, il est déjà dans la hitlist Energy. On chante avec lui 25e juste après Joseph Kamel. Pour la sortie du nouvel album de Lady Gaga. Lady Gaga Mayhem. Partez en Californie avec énergie. Assistez au festival légendaire Coachella. This is Lady Gaga. Écoutez NRJ. Dès que vous entendez le double hit énergie. Avec deux hits de Lady Gaga à la suite. Appelez énergie 3937. Et partez voir Lady Gaga à Coachella. Energy, hit music only. But lance l'à tout prix, à tout prix, à tout prix. Mais c'est quoi cet à tout prix? En ce moment, chez But, l'à tout prix, c'est la table Maël, style industriel, jusqu'à 6 couverts, à 139 euros seulement. Ah, alors si j'ai bien compris, c'est à saisir, à tout prix. À tout prix. Dans la limite des stocks disponibles. Leclerc, bonjour. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Vous êtes où? Je suis seul face à l'adversité, équipé de ma nouvelle doudoune et prêt à affronter les intempéries. Oula, mais vous faites quoi exactement? Je sors la poubelle. Ah, je vois. En tout cas, vous devez avoir bien chaud avec la doudoune sans manches Tissaya homme ou femme à seulement 8,95€ jusqu'au 8 mars chez Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également disponible en click and collect, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.

chaque fois que tu le voudras, il y aura là avec toi ton meilleur allié. Chaque fois que tu le voudras, moi je répéterai 100 fois que ça va aller. Quand j'étais gosse, mon père m'a dit que j'aurais des tas d'amis, mais que ce sera jamais mieux qu'un frère. J'ai pris des coups et toi aussi, mais si on est encore ici, c'est parce qu'on était deux sur terre. Le monde a bien fait de te faire. Le monde a bien fait de te faire. Le monde a bien fait. Moi j'aurais rien fait sans mon frère. Moi j'aurais rien fait sans mon frère. Le monde a bien fait. J'ai toujours une voix qui résonnait. Jamais perdu la joie qu'on se donnait. Deviendra les rois qu'on se promet, je te promets. Chaque fois que tu te sens seul, oublie pas que j'ai pour toi tout le temps du monde. Chaque fois que tu te sens seul, oublie pas que mon cœur bat pour que le tien réponde. Quand j'étais gosse, mon père m'a dit que j'aurais des tas d'amis, mais que ce sera jamais mieux qu'un frère. J'ai pris des coups et toi aussi, mais si on est encore ici, c'est parce qu'on était deux sur terre. Le monde a bien fait de te faire. Le monde a bien fait de te faire. Le monde a bien fait. Moi j'aurais rien fait sans mon frère. Moi j'aurais rien fait sans mon frère. Le monde a bien fait. On ne choisit pas, mais si j'avais pu, je t'aurais choisi toi. Où que je sois, il y aura un peu de nous avec moi. Le monde a bien fait de te faire. Le monde a bien fait de te faire. Le monde a bien fait. Moi j'aurais rien fait sans mon frère. Le monde a bien fait. Le monde a bien fait de te faire. Le monde a bien fait de te faire. Le monde a bien fait. Moi j'aurais rien fait sans mon frère. Que vous devez connaître sont dans la Hit List Energy. Hit List. C'est le classement des 40 plus gros hits à mettre dans votre playlist. C'est en ce moment sur Energy. Numéro 26. Why not always be the ocean? soirs. Tous les soirs, 19h-22h. C'est la Hit List Énergie. Numéro 25. I've been trying to change. Trying to find somebody to love. Numéro 24. T'as tout ramassé, mon cœur en miettes, tout balayé, les paillettes. La vie est papier, et moi poète, je t'écris la vie d'après, sois prête. J'ai changé pour toi, j'ai changé tellement, j'ai fait mon choix pour mille ans. J'ai changé pour toi, infiniment. Attends, regarde-moi, sois ma famille, prends ma main, me voilà ton homme accompli. Regarde-moi, en repenti, prends ma main. c'est normal. Et un jour, en un sourire, sauve l'avenir. J'ai changé pour toi, j'ai changé tellement. J'ai fait mon choix pour mille ans. J'ai changé, tu vois, obstiné. Hors classement. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my. Take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Mercredi soir à la cool, entouré de superstars, c'est Charlie comme d'hab jusqu'à 22h, la hitlist énergie. Peut-être que vous sortez du taf avant de rentrer à la maison. N'oubliez pas de voter. Vous avez jusqu'à vendredi pour aller sur l'appli Énergie sur énergie.fr pour voter pour l'émission incroyable de vendredi. Hitlist Énergie spéciale Lady Gaga pour la sortie de son nouvel album. Vendredi de 21h à 22h. On sera en week-end tous détente. On va écouter les 15 plus gros hits de Lady Gaga avec des hits de son nouvel album, des nouveautés, des classiques évidemment de l'époque, robe en viande et tout. On va se régaler. Ça se passe sur l'appli Énergie sur énergie.fr pour voter. Et puis juste avant, il y a encore de la superstar avec Matoué qui arrive. Manu dans le 6-10 sur Énergie. Stéphane Bern y présente ce soir sur France 3 les victoires de la musique classique. Oh. Alors en compétition, sachez-le, cette année, il y a Lucille Boulanger, Justin Taylor, Adèle Charvet, Lucille Richardot, Régis Campo, Stéphane Degou ou encore Benoît Menu. On dirait des noms inventés par Cadet Olivier dans une partie de Caboulox. Tellement. Mais bonne chance à eux tous. Manu dans le 6-10, rendez-vous demain dès 6h sur Énergie. Aujourd'hui, vous méritez un nouveau canapé. Oui, vous qui écoutez, vous méritez un confortable poltron et sofa. Et vous méritez aussi d'économiser 50% sur les nouveaux modèles de la collection. Avec en plus la livraison offerte. Oui, vous aussi, vous méritez un poltron et sofa. Poltron et sofa, 30 années de qualité. Et voilà. Tentant de qualité, vérifiez conditions en magasin. Vivez l'expérience mode chez Blackstore. Un large choix de vêtements, chaussures et accessoires pour elle et pour lui, avec les marques les plus tendances. Levi's, Tommy Hilfiger, Le Temps des Cerises, Adidas, Cabaya. Profitez aussi d'offres exclusives dans les 120 magasins Blackstore partout en France ou sur blackstore.fr. Blackstore, vivez l'expérience mode. Oh là là, ça sent drôlement bon du côté des cuisines But. Eh oui, But vous a mijoté sa meilleure offre pour le printemps. En ce moment, pour l'achat de votre cuisine, jusqu'à 6 électros offerts. Oui, 6 électros offerts. Voir détails et conditions de l'offre en magasin et sur le site but-cuisine.fr. Numéro 23. It only hurts when I'm walking away, when I'm walking away. Yeah. It only burns when I'm not in the frame, when I'm not in the frame. Yeah. Classement des 40 plus gros hits à mettre dans votre playlist. C'est en ce moment sur Énergie. Numéro 22. With you, end of time with you. Now we're strangers, and I hope that.

nouveauté hors classement. Quand tu veux, je te ramène des années en arrière. Quand tu mentais si bien, oh, na, na, na. Du jour, mais les règles ont changé. C'est bien mon chat, t'as essayé trop tard pour t'excuser. Na, na, na. Tu pensais vraiment que j'étais naïve, mais quelle erreur. Tu pensais vraiment que j'étais docile, mais quelle erreur. J'suis tombée pour toi comme un domino. Chérie, tu t'es pensé mon proprio. T'as cru qu'un avalage go. Oh. À mon tour de danser, tu ne peux que regarder. Vois comme je prie quand tu n'occupes plus mes pensées. À ton tour de courir, tu ne peux plus me mentir. Face à tes fils, je ne suis plus ton bébé. J'suis tombée pour toi comme un domino. Chérie, tu t'es pensé mon proprio. Je ne suis plus ton baby. T'as tout remis en question. Ma voix, mon corps et ma vision. Toudou, tu n'auras qu'une chanson. La la la. Remercie-moi, je ne fais pas de drama. Coup de fil le soir, je n'en peux plus, lâche-moi. Toudou, on va plus jamais se voir. La la la. Je suis tombée pour toi comme un domino. Chérie, tu t'es pensé mon proprio. T'as cru qu'elle n'avait la chico. J'en ai plus envie. Vivre sans toi, c'est de la folie. Je ne suis plus ton baby. Tombé pour toi comme un domino. Chérie, tu t'es pensé mon proprio. T'as cru qu'elle me valait chico. Je ne suis plus ton baby. Plus rien à dire, j'ai déjà tout dit. Déjà discuté, j'en ai plus envie. Vivre sans toi, c'est de la folie. Je ne suis plus ton baby. Hit list énergie. Numéro 18. numéro 17. Salut, c'est Pierre Garnier dans la hitlist Énergie avec Charlie. Qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux? Je les écoutais sûrement un peu trop. Et si j'avais fait la part des choses avant? On était nous-mêmes avec nos défauts. Mais quand les autres s'en mêlent, ça rend parano. Dis-moi ce qu'il nous reste au milieu des fautes maintenant. Chacun reprend son chemin. Mais on était beau. Je me rappelle de la mer, le sel sur ta peau. Souvenirs en poussière sur les vidéos d'avant. Et non, c'est plus pareil, y'a peut-être trop d'ego. Nos visages entachés par les mauvais mots. Les portraits ont changé, seuls sur les photos. Maintenant, chacun reprend son chemin.

numéro 13. J'ai juste besoin de tes yeux, de leur éclat dans la nuit. Tu sais, je finirai peut-être pas vieux, mais ensemble on fera du bruit. On criera tous les deux à l'ombre de la pluie. Mais avant, faut que je poste ma story ce soir avant minuit. Je laisse filer la folie. Pour toi, je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes s'il est trop tard ou bien trop tôt. Pour toi, je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes est-ce que ça me mène en bateau. Tu vois si j'achoue la chasse, c'est pour que tes yeux baissent les armes. Le temps de rallumer la flamme. Si je joue la chasse, c'est pour que tes yeux sèchent leurs larmes. Quitte à le payer de mon âme. Si je joue le jeu, moi de quoi j'y vais, le soir j'en ai assez. Prends-moi la lumière des néons fatigués. L'amour des miens, le soleil dans la peau. Et quand tournent les chiens, moi je leur tourne le dos. Oh. Derrière mon sourire, y a tes mots. C'est pour toi que je tends la main. Quand tu cries, ça me tient chaud. Faut pas que je brûle avant la fin. Pour toi, je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes s'il est trop tard ou bien trop tôt. Pour toi, je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me donnant toutes les secondes est-ce que ça me mène en bateau. Tu vois si je joue la chasse, c'est pour que tes yeux baissent les armes. Le temps de rallumer la flamme. Si je joue la chasse, c'est pour que tes yeux sèchent leurs larmes. Quitte à le payer de mon âme. Nous sommes en dernier de la journée ce soir, mercredi soir, la cool, c'est Charlie, c'est la Hitlist Energy. Bon courage à tous ceux qui bossent ce soir. On passe à vous et on vous accompagne toute la soirée, toute la nuit hein, sur Energy à partir de 22h. Retour du super show, 2h à vous marrer avec Louis et Bichette qui vont arriver dans le studio. 2h à jouer, 2h avec des cadeaux aussi pour vous. Le super show tous les soirs avec toutes les émissions qui sont dispo en podcast. Hein. Alors là, c'est quand vous voulez, hein, si vous ennuyez au boulot, hop, vous mettez les écouteurs, vous allez sur l'appli Energy, vous tapez super show et vous vous régalez. Et en attendant, au retour de l'émission, on continue de chanter avec Charlotte Cardin qui arrive dans la hitlist. Elle est 11e ce soir, Charlotte, juste après David Guetta. Lady Gaga est de retour. Elle a choisi une radio. Énergie. Elle a choisi un animateur. Camille Combal. Bonjour la France. Retrouvez-nous en interview exclusive avec Camille Combal sur Énergie. Lady Gaga en interview exclusive vendredi 16h-19h sur sa radio. Énergie. Gaga Music Only. À savoir s'il y aurait pas au fond de nos poches une vieille machine à faire des vœux, à faire sourire quelques mioches, à leur repeindre leur ciel en bleu. Va savoir s'il y aurait pas au fond de nos cœurs un peu de bonheur qu'on peut donner, rien d'amour à partager, pour de l'espoir à retrouver. Un, deux, trois petits soleils, comme ce petit bout de rêve qui attend un geste. Au fond des poches, tellement de petits soleils qui brillent bien, bien au fond de leurs yeux. juste, même trois fois rien. Va savoir si ça ne vaudrait pas la peine qu'ensemble on tente de faire cette chaîne qui change leur vie en fête foraine. Au moins le temps d'oublier leur peine. Un, deux, trois petits soleils, comme ce petit bout de rêve qui attend un geste au fond. Va donner, va donner à ses bouts de choux et ses ados. Va donner, va donner l'espoir et le rêve à nouveau. Va donner, va donner, parce que ces pièces je ne peuvent encore parfois se transformer en or. Et plein de petits soleils comme ces petits bouts de rêve qui attendent un geste au fond. Mercredi avec la Hit List Énergie. C'est le classement de référence des 40 plus gros hits à mettre dans votre playlist. Hit. Hit List Énergie. List. Hit List Énergie. Numéro 11. Y'a ma main dans la fenêtre, Titanic. Y'a des choses que je comprendrai jamais. Pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, Italic. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. You make me feel good. Your mask, you're my type.

numéro 7. Ton verre est plein, est-ce encore de ma faute? Si tu le vides, ce le sera sans faute. J'ai trébuché sous le poids de tes mots, mais relevé, tout ne sonne pas si faux. C'est faux. Je pensais si forte, mais l'inverse est passé quand j'ai claqué la porte. Sans toi, beaux jours reviennent, ce sera plus jamais ma faute. Nouveauté hors classement. Et si demain, un autre jour se lève? Commencera encore une fois comme ça sans raison. Il y a des jours où je suis un mec cool, des jours où j'ai la flemme, des jours où j'ai encore de l'amour, des jours où j'ai la haine. Il y a des jours où j'ai pas envie, je me recouche en pleine après-midi. Même quand il y a rien à fêter, c'est pas grave, on fait la fête, on a le moral dans les baskets, on a trop marché sur la tête. Un jour j'irai sur la lune, un jour je croirai en mes rêves, on a jamais eu trop les thunes, mais c'est pas grave, on fait avec. Les lampadaires éclairent le bitume quand je regarde par la fenêtre. Et si demain un autre jour se lève, on recommencera encore une fois, comme ça, sans raison. Et on les oubliera, nos amours, nos galères. Et on les oubliera, nos bonheurs, nos malheurs. Si demain, notre jour se lève, on recommencera encore une fois, comme ça, sans raison. Y'a des jours où j'aime les gens, des jours où je les déteste. Y'a des jours où j'ai des meufs, des jours où j'ai des ex. Y'a des jours où j'ai de l'argent, y'a des jours où j'ai des dettes. Même si on a tout dépensé, c'est pas grave, on fait la fête. Je connais des gens intelligents qui font juste semblant d'être bêtes. Aujourd'hui posé sur un banc, demain j'irai sur Namex. C'est une question d'acharnement, savoir enflammer l'étincelle. Voir les yeux des parents briller comme cette putain de tour Eiffel. Et si demain, un autre jour se lève, on recommencera encore une fois, comme ça sans raison. Et on les oubliera, nos amours, nos galères. Nos bonheurs.

numéro 1. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance to the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. Oh, and oh, I can feel the night slipping by. To meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. Bon, on dirait bien qu'il est 22h et qu'on y va pour une nouvelle soirée du Super Show Énergie. C'est parti en direct comme tous les soirs. Pour se marrer avant de se coucher. Pour se marrer avant de se coucher. C'est le Super Show qu'il faut écouter. C'est le Super Show qu'il faut écouter. Avec lui. Avec lui. Charlie. Charlie. Et Bichette. Et Bichette. Allez au boulot, bande de vermines. Le Super Show Énergie. De 22h à minuit sur Énergie. On y va. Thank you for sunshine. Bonne soirée tout le monde, merci d'être avec nous, merci de suivre nos bêtises tous les soirs entre 22h et minuit. Ça s'appelle le Super Show Énergie, on est super content de vous retrouver. Je m'appelle Louis, on est en direct, il y a Bichette qui est là. Salut les copains. Il y a Charlie. Oui, bonsoir mes amours. On va écouter dans un instant le nouveau Gims, encore un banger. Incroyable. Gims arrive pour les hits dans 10 minutes, le ça ira mieux demain. Alors je m'adresse pour commencer cette émission à tous ceux qui ont des animaux de compagnie. Hein? Puisque on va faire l'émission avec vous. Voilà. Moi j'en ai pas. Charlie, tu veux parler de Mocha, le petit chaton le plus mignon de TikTok. Voilà. Et Bichette, tu as Parpin. J'ai Plume. Plume, voilà. Parpin, ouais. Voilà. J'oublie toujours le vrai nom des. C'est un chat, un Maine Coon, belle mémère. Il fait 15 kilos 5 ans. Voilà. C'est un mini tigre. La brique. C'est un veau en bonne santé. Ouais. Ouais, ça fait un réveil chargé, quoi. C'est ça. Bon, dans un instant, l'histoire de Lali. Il s'est passé une dinguerie avec son animal de compagnie. Je vous dirai lequel après. C'est pas un chat, c'est pas un chien. Donc appelez-nous si vous aussi, voilà, vous avez par exemple une frayeur, une bêtise là qui vous vient en tête que votre animal de compagnie vous a fait. Appelez-nous 0800 70 42 48. C'est le numéro du standard énergie. On va faire le y en a qui bosse aussi dans 5 minutes. Il y a. Qui est avec nous, allô? C'est Bertrand, salut. Bonjour Bertrand. Et non. Bonjour. J'aime bien, il sort de nulle part. C'est Bertrand. C'est Bertrand, bah voilà, oui, merci d'avoir ouvert le placard, c'est un quart d'heure. Bertrand, tu fais quoi dans la vie? Je suis professeur des écoles. Ah cool. Waouh, la discipline va arriver dans 10 minutes. C'est ça, sortez les cahiers. Et si t'es à Bordeaux, t'es en vacances là? Oui, exactement. Ah, belle vie. Ouais, ça va, il est cool. Belle vie quand même. Hein. Bon, et eh ben écoute, on va parler de ton taf dans 5 minutes. On va en parler. Ouais, tu vois. On va en parler. J'ai des revendications, moi. Il est là pour en découdre. Tu sais qu'il vient pas là. Il y a une hostilité. A tout de suite, Bertrand, puisque juste avant, c'est la tradition. Ah, c'est la super chanson. Eh ben oui, la super chanson. Tous les soirs dans le Super Show Énergie, on fait une chanson inédite autour d'une news, d'une actu. Et là, on va parler de la Fashion Week. Ah oui, bah oui, en ce moment. Hein. Et ouais, depuis lundi, c'est à Paris, c'est la Fashion Week. Donc c'est toutes les grandes marques qui font des défilés pour vendre les nouvelles collections. Moi, je comprends jamais, j'ai l'impression que c'est tous les 21 jours, ce truc-là. Ah bah oui, c'est tout le temps, en fait. Mais non, mais il y a tout... Là, c'est quoi? C'est les femmes, là? Ah, c'est peut-être ça, je sais pas. Ou c'est une nouvelle collection, défilé printemps. Si, ouais, les hommes, c'était il y a pas longtemps. Je comprends rien en vrai. Je te jure, je comprends pas. Bon, de toute façon, j'imagine personne dans cette équipe est invité au défilé. Non. Non, toi, même pas toi, Louis. Non. Si, j'ai eu à la Fashion Week homme il y a quelques semaines ma toute première invitation. C'était défilé quoi? C'était homme, défilé homme d'une très grande marque. Et okay. Vraiment, on était en direct, donc je n'ai pas pu y aller. Petit bateau. Au Kaidi. Non, mais justement, il y a plein de personnes qui comprennent pas la mode, qui comprennent pas forcément la Fashion Week et tout ça. Donc ce soir, on a une super chanson. Exprès, pour tous ceux qui ne comprennent pas la Fashion Week, écoutez. Ça vient du cœur. La Fashion Week, c'est Koh-Lanta. J'ai l'impression que ça se finit pas. Et tout ce qu'on voit défiler sont tous bizarrement habillés. L'année dernière, j'ai essayé. Mais je pensais pas que ça se démodait. J'ai acheté un petit pull Dior. Aujourd'hui je suis un ringard qui vit dehors. À quoi ça sert tous ces habits? Ils sont même pas chez qui habille. Et pourquoi mettre autant d'euros alors qu'il y a du Célio? C'est vrai? C'est vrai. C'est très révélateur cette super chanson. Yeah. On dirait Kaigo. Grave de ouf! C'est Kaigo. Attends, quitte pas. On va voir, peut-être que ça marche. Le nouveau Kaigo sur LRJ, c'est Louis. Ah ouais, putain. Ouais, c'est exactement. Ouais, c'est du lundi au jeudi, c'est le Super Show LRJ. Est-ce que t'as kiffé, Bertrand? Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Au départ, on a l'impression que c'est une intelligence artificielle. Figure-toi que c'est totalement une intelligence artificielle, mon Bertrand. Ah bah voilà, on est d'accord. Et personne n'a une voix comme ça. À tout de suite, tu nous parles de ton taf dans 3 minutes après Lady Gaga. Yeah. Lady Gaga sur Énergie, c'est le super show que vous écoutez. On est là, 21h minuit avec vous. Et il y a Gims qui arrive 21h, 22h minuit. Pourquoi je dis 21h? Ah, c'était à l'époque. Ah, c'était, ah, ah, c'était notre émission. Tard à l'époque. Ah, avec Braco, j'embrasse Braco. Gims arrive pour la suite sur Énergie. Il y a Michel qui est là. Salut les copains. Il y a Charlie. Oui, tu peux m'appeler Braco si tu veux. Bah, si t'es nostalgique. Ouais, un petit peu, il me manque. Ouais, si tu c'est la sacrée dimension. Ouais, je m'appelle Louis, on est très content d'être avec vous tous les soirs. On fait des bêtises et vous êtes avec nous au 0870 42 48 comme Bertrand pour le Y'en a qui bossent. On y va. Vu qu'on est en direct le soir à la radio, là, il est 22h09, on vous met en avant si vous êtes au boulot. On fait un coucou à Bertrand qui est de Bordeaux et t'es prof des écoles, Bertrand. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est quoi les classes que t'as ? Ah, moi, c'est les CE et CM. CE2, CM1, CM2. Oh, ça va. Moi, j'ai pas fait, moi, je me suis arrêté avant. Ah oui, on s'est arrêté au CP. En CP. Ah, maternelle, mince. C'est bien. Non, maternelle, j'étais très fort. Numéro 1 en sieste. Après, c'est devenu un peu technique après pour moi. J'ai du mal. Il y a toujours, Bertrand, les classes mélangées au primaire ? Ah oui. Moi, j'ai les trois en même temps. Ah, t'as quoi ? Attends, j'ai un truc que j'ai pas pigé. T'as CE1, CE2, CM1 et CM2. Oui, mais tu les as pas dans la même classe ? Bah, si. Quoi ? Mais t'es dans une petite école, non ? Ouais, c'est ça, c'est la petite école. Ouais. Ah, c'est pas une petite école, c'est un salon, ça. Le mec, il a tout chez lui. Il a 120 gosses chez lui. C'est un salon. Bah, attends, mais c'est ouf, ça. Ah ouais, c'est du sport. Charlie, C'est pour ça que les vacances sont bienvenues. Ah ouais, tu mets toi. Non, mais surtout quand t'es en CE1, tu te retrouves dans la même classe qu'un CM2. C'est comme si nous, à 25 ans, vraiment, on traînait avec une personne de 60 ans. c'est vrai, le ressenti est le même. Ah, mais il y a 4 ans d'écart, mais t'as l'impression que c'est un adulte, en fait, le mec en CM2. Ouais, mais c'est chouette. Moi, déjà, Bertrand, c'est Louis. Je crois que quand j'étais en CE1, j'avais des CE2. J'étais paumé. Bah ouais, c'est les grands. Ouais, puis surtout, non, mais tu sais, le prof, il te donne un exercice. Mais t'écoutes celui des CE2 parce que tu veux paraître un peu, tu vois, à l'affût de ce qui se passe. C'est sûr. Et ton cerveau, il peut pas splitter en deux, donc tu comprends rien en fait. Pendant une heure, t'es un peu là en mode. Ouais, ils sont chauds. Je suis en train de bosser la poésie, mais j'écoute des maths. Bon, tu vois, c'est galère. Comment tu fais, Bertrand ? Ah bah, c'est l'habitude. Voilà, moi, c'est mon cerveau qui est coupé en autant que de niveau. Et tu mélanges jamais ? C'est-à-dire ? Ah, si, il y a des fois où je mets les CE ensemble, des fois les CM ensemble, des fois, ça dépend. Ah, j'ai l'air dans ta tête, surtout, quoi. Ah, dans ma tête, non. Avec l'expérience, j'ai un chronomètre pour chaque niveau. C'est-à-dire que je sais à quel moment il faut que je reparte de l'autre côté pour faire ci ou ça. Incroyable. Et déjà, prof des écoles, c'est un métier qui force le respect. Mais alors là, ce que tu fais, Bertrand, c'est incroyable. Charlie ? Ah, je me rappelle quand j'étais en CM1, j'étais avec les CM2 dans la même classe. Donc pareil, ça paraissait être des adultes déjà prêts pour le milieu du travail. Et en fait, non. Et on faisait des matchs de foot. CM1 contre CM2. Énorme. Donc évidemment tu pouvais jamais gagner parce qu'ils étaient beaucoup plus forts parce qu'ils étaient beaucoup plus grands. Alors qu'on voyait pas tant que ça. Et je me rappelle non, que... il n'y a pas tant de différence. Ouais, non, bah, oui, mais quand vraiment t'es en CM1, on le ressentit. Ouais, t'as l'impression que c'est des géants. Ouais. Et les profs, ils nous chauffaient pour les matchs de foot. Ils disaient qui c'est qui a gagné la dernière fois. Bah, c'est encore les CM2 qui ont gagné. Enfin, ouais. Et du coup après à la récré, ils disaient allez à la récré et bon courage les CM1. Et après on revenait, on pleurait un quart d'heure plus tard. Ça aurait pris 14-0. Allez. Charlie, il en parle comme si c'était le match de ce soir PSG-Liverpool. Ah ouais, c'était la Ligue des Champions, ouais, bien sûr. C'est vrai. Ah ouais. Sauf que c'était un petit ballon en mousse et quand il pleuvait, le ballon il pesait 18 kilos. Ah, bien, on le connaît. Le jaune là ouais, le jaune rouge, on a tous le même. Jaune noir en fin, fin d'année. Ouais, hein. Grave. Bien. Ah, dès qu'il avait pris l'eau, celui-là, mec, tu t'envoyais un parpaing dessus. Dégueulasse. Il touchait le vêtement, c'était fini pour toute l'après-midi. T'avais la trace, t'avais Adidas sur le. Le goal, il perdait ses mains, mec. Hop, terminé. Bon, Bertrand, on fait une grosse dédicace. Le top, c'est quand il n'y a pas de poteau et que c'est des plots. Bien sûr, les sacs. Et que la balle, bien sûr, elle fait poteau rentrant ou poteau sortant. Eh oui. C'est excellent. Bertrand, c'est un vrai prof. Il y avait une vraie règle aussi au foot, à l'école primaire, c'est le pied haut. C'est vraiment la règle où dès que t'as le pied un peu trop haut, tu dis non, ça compte pas, il y a pied haut. Il n'y a jamais eu aucune limite, aucune règle définie. C'est, tiens, ça a l'air d'être un peu haut, là, on va récupérer la balle. C'est t'imagine, en Ligue des Champions. Ah non, stop. Pied haut. Stop, il y a pied haut. Termine. Allez, hop. Bertrand, gros bisous, merci beaucoup d'être passé avec nous. Eh bien, merci à vous. Et on fait une grosse dédicace, du coup, à tous les professeurs des écoles qui nous écoutent. Peut-être que vous avez repris dans votre zone déjà il y a une semaine, vous avez repris cette semaine, ou il vous reste encore comme Bertrand à Bordeaux une semaine. On est avec vous et merci de nous écouter tous les soirs. Je sais que certains, moi, je reçois des messages en général, ça écoute le soir en rentrant. Et je fais aussi une dédicace parce que juste à côté d'Énergie, il y a le centre de formation des profs des écoles. Ah ok, ouais. Je savais même pas. Et ils viennent se former pour devenir prof. Et c'est marrant, tu vois. Ah, c'est fort ça. Voilà, des fois ils passent devant la radio, ils sont un peu en mode j'ai envie de rentrer. Ouais. Après ils nous voient, ils font mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Exactement, Bichette. Voici Gims, c'est le super show énergie que vous écoutez. On est là tous les soirs, 22h, minuit en direct. Et ça, c'est le nouveau Gims qui est sorti vendredi. Dès que j'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard et trier le ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Ani na na ni ni na o, ani na ni na ni na o, ani na na ni ni na o, ani na ni na ni na o, ani na na ni ni na o, ani na ni na ni na o, ani na na ni ni na o, ani na ni na ni na o. J'ai fait des choses regrettables, c'est ça, t'es toujours en pétard. T'es mal équipe, redoutable, je connais la nuit comme les guettards. Passe la douanière, rien à regarder, de toute façon je suis booké sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer. Mon amour, je vais rentrer tard et trier le ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Ani na na ni ni na o, ani na ni na ni na o, ani na na ni ni na o. Encore un banger, hein. Le nouveau Gims sur Energy, c'est le super show que vous écoutez en direct. Louis, Charlie et Bichette se sont promis de rester calmes ce soir. Ils ont tenu 5 minutes. Bienvenue dans le super show Energy. De 22h à minuit. On est en direct avec vous. Il y a combien sur le match, la PSG-Liverpool qui est en live? Ah, t'en bouge pas. Bonne question, ça. Comme ça, on se fait ça. Il y a le match juste à côté. Il y a 0-0. Ah ouais? Ouais. Il y a un autre match en plus en même temps, non? Il y a Benfica contre Barcelone 0-0 et Bayern de Munich contre Bayer Leverkusen. Bayern Munich gagne 2-0. Ok, bon, on suit ça en direct avec vous. Et dans 5 minutes, là, dans le Super Show Énergie, on va parler de nos animaux de compagnie et des pires frayeurs ou des bêtises qu'ils ont déjà faites. Si vous avez déjà retrouvé votre chat en train de jouer avec des câbles, c'est parti en vrille derrière. Votre chien qui a semé le chaos. On veut tout savoir. Vous nous appelez maintenant au Standard Énergie 0800 70 42 48. Charlie? Ah oui, moi, Moka, ouais. Il a même pas 7 mois, il m'a déjà bouffé 2 câbles HDMI. C'est par là-bas, frère. Ça coûte cher. Ouais, non, mais je sais pas, il kiffe. Okay. Et Bichette? Moi, elle a un petit délire, c'est qu'elle pisse dans la douche. Alors, globalement, ça se nettoie très rapidement, mais c'est le matin le problème. Ah non, putain. Parce que quand tu prends une douche chaude, tu as des odeurs de pipi qui remontent dans ton nez et ça pue. Nico de Strasbourg qui dit: mon chien a déclenché la télécommande de ma voiture en pleine nuit. Résultat, alarme qui sonne et tout le quartier réveillé. Bien. Bon, on veut typiquement ce genre d'histoire. L'histoire de Bichette, l'histoire de Nico, appelez-nous. 0800 70 42 48. À tout de suite sur Énergie. Le Energy Music Tour sera le mercredi 12 mars au théâtre du Casino Barrière de Lille. La plus grande tournée musicale gratuite. Avec sur scène Sound of Legend, Joseph Kamel, Lynn, Jack, Rita, Carbone, Widan, Esme, Kalema, Taïk. Le Energy Music Tour à Lille. Thank you. shine too. And we were born for each other. Just remember, baby, whatever we go through, all the good feelings for one another. As we dance to the radio, all the good, good feelings we have for each other. Don't ever, ever let them go. As we dance to the radio, all the good, good feelings we have for each other. Don't ever, ever let them go. Le sport. Bichette aime les soirées. Et Louis aime l'argent. Non, il adore l'argent. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il kiffe ça, le gars. Bienvenue dans le Super Show Énergie. 22h minuit. It only hurts when I'm walking away. When I'm walking away. Yeah. It only burns when I'm not in the frame. When I'm not in the frame. Yeah. avez passé une journée pourrie. Having a bad day. Parlez-en à Louis, Charlie et Bichette dans le Super Show Énergie. Et ça ira mieux demain. C'est tous les soirs sur Énergie, le ça ira mieux demain. Vous nous appelez au standard si vous voulez passer avec nous au 0870 42 48. Et ce soir, on parle des animaux de compagnie, puisque on va écouter l'histoire de Lali. On a pris l'histoire sur TikTok avec le hashtag Storytime. Et elle raconte une histoire qui est arrivée avec son animal de compagnie. Si vous aussi vous avez des histoires, on vous prend après au standard. Mais juste avant, écoutez bien ce qui s'est passé pour Lali. Ouais. Je vous laisse avec le début de l'histoire et on commente au fur et à mesure. Écoutez. Elle est partie en vacances. Il y a 2 semaines, quand j'ai quitté mon appartement, j'ai nourri tout le monde et je n'ai pas vu Bakasura. Ce qui arrive, parce qu'il aime bien creuser, même quand il fait très chaud, et se mettre sous les copeaux. Ça ne m'étonnait pas qu'il soit en dessous ou bref. Donc j'ai juste changé son eau et je me suis dit, j'irai, je repasserai pour lui donner à manger. Donc elle n'a pas vu Bakasura. Bakasura, parce que c'est un personnage de manga. Bon. C'est un animal, mais je ne vous dis pas quoi. Okay. Suite de l'histoire. Je suis repassée et je n'ai toujours pas vu. Donc j'étais avec ma sœur à ce moment-là et elle m'a dit « C'est bizarre quand même, ça fait longtemps que tu l'as pas vu. » J'ai dit « Oui, c'est bizarre, on va aller le chercher. » Juste pour s'assurer qu'il est bien là, même si j'avais absolument aucun doute qu'il soit là, n'est-ce pas ? En fait, au début, je suis juste venue avec une pince, parce qu'en plus, il a très peur des humains. Donc si je le touche, il va commencer à se barrer et on saura qu'il est là. Sauf que là, on a tout remué, rien. Donc elle a clairement perdu son animal de compagnie pendant les vacances. C'est un truc qui se manipule avec des pinces. Alors voilà, il a peur des humains. Ça se manipule avec une pince. Il s'appelle Bakasura. Qu'est-ce que c'est quoi, Dos ? C'est à votre un avis. Alligator ? Bichette, tu dis que c'est quoi, toi ? Ouais, pour moi, c'est un gros truc, quoi. Crocodile ? Bah après, je sais pas. T'as pas le droit d'avoir des crocodiles ? J'en profite pour dire, bien évidemment, que c'est un nac. Donc, nouveaux animaux de compagnie. Hein. C'est pas un chien ou un chat. Ah, c'est une méduse. Ouais, j'aurais dit un serpent, moi. Écoutez. Mon serpent a disparu. Oh. Ah, quelle horreur. Oh là là là, mais qui a ça ? Donc, si vous voulez d'arriver sur Énergie, c'est énorme. Hein. Lali est partie en vacances. Quand elle revient, le serpent n'est plus là. Elle ne trouve pas Bakasura. Écoutez la suite de l'histoire. Mon serpent a disparu. Et je n'ai aucune explication. Aucune explication. Je garde un petit espoir en me disant, bah, peut-être qu'il est dans mon appart, c'est que je le retrouverai plus tard, parce que ça arrive. Je connais des gens qui ont déjà perdu un serpent et qui l'ont retrouvé genre des mois après. Je me dis, ça se trouve, il s'est carrément barré de mon appart. Il n'y a eu aucun message dans le groupe de la résidence et je ne vais pas en mettre non plus parce que je n'ai pas envie de les affoler. Parce que même s'il n'est absolument pas dangereux, je sais que les gens ne sont pas fans des serpents et je le comprends. Donc je ne vais pas mettre un message en mode « Coucou, coucou, j'ai perdu mon serpent, il est peut-être dans les meubles. » Bah non, du coup. Le mot dans l'ascenseur. Bon, cher voisin, bonjour. Faudrait peut-être alerter, tu vois, avant qu'il bouffe un vieux, 3 chiens et 2 bébés. Enfin, je sais pas, tu vois. L'histoire, elle est énorme. Charlie ? Elle habite où, Lali ? Je sais pas. Mais on va se renseigner. Mais parce que si elle est pas loin de là où on est actuellement, moi je reste même pas dans l'immeuble. Hein. Tu as plus peur, j'ai perdu Bakasura et en plus j'habite juste à côté d'une très grande radio française. Allez. Moi ce que j'adore, c'est qu'elle est quand même pas stressée à un moment, elle dit au pire il est dans l'appart. Ouais. Et je le retrouverai un jour. Ça veut dire qu'elle est capable de s'endormir tranquille en se disant il y a un truc qui rampe là, qui doit être à côté de moi. Elle se réveille, genre tu vois, son serpent lui a bouffé la moitié du pied, il est arrivé au genou, elle dit c'est tout à fait normal. Ah, vraiment, mec, elle se réveille avec un serpent sur la tête, elle est contente. Elle fait, ah mais il est là, super. Oh, non, j'ai retrouvé. Bon, appelez-nous, on va parler du coup de vos animaux de compagnie, vous qui nous écoutez. Bon, même chien et chat, là on met tout. Hein. Quelle est la pire frayeur, la pire connerie que votre animal vous ait déjà faite ? 0800 70 42 48, vous nous appelez maintenant au Standard Energy. Il y a eu du monde. Il y a eu du monde tout de suite, bien évidemment. Il y a Gwendal qui est là. Salut Gwendal. Salut l'équipe, ça va ? Yo ! Ça va et toi ? Ça va, tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? C'est un peu la même histoire que la vidéo, c'est avec du serpent aussi. T'as paumé un serpent ? Qu'est-ce que vous avez tous ? Ouais, j'en ai paumé un. Hein. Alors moi, j'avais en fait un terrarium dans ma chambre à l'époque où j'habitais chez mes parents. Et un soir, à 3h du mat, ma mère vient me réveiller en hurlant. Moi, je dormais avec ma petite amie. Et en me disant « Ouais, ton beau-père, il est parti pisser dans la nuit et puis il a vu un serpent passer. » Ok, bon, je fais, soit il a eu une petite hallucination, ou autrement c'est une petite couleuvre ou une petite vipère qui est rentrée à la maison. Donc moi j'avais des crochets pour les serpents, donc je descends dans les toilettes et puis je vois rien. Puis ma mère elle me fait regarde quand même, du coup je remonte dans ma chambre et puis je fais non c'est pas les miens, je regarde dans mon terrarium. Les miens. Et puis là je regarde ma copine, je fais oh putain, il me manque un serpent. Oh là là, mon dieu. Et t'as combien de serpents ? Là, il y en avait 4 à l'époque. Oh là là, putain, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas juste acheter un chien ou un chat comme tout le monde. Mais c'est quoi, c'est sûr. Mais que... t'as jamais entendu parler des. Une petite marmotte, moi je sais pas. Un chinchilla, un hamster. Charlie Bichette, on est dans l'histoire, on est à la recherche du serpent. Écoutez, ouais. Gwendal, s'il vous plaît. Oui, Gwendal, vas-y. Mais du coup, bah, je redescends de ma chambre et donc je fouille toutes les toilettes, la salle de bain qui était à côté, on trouve rien. Et puis au bout d'une demi-heure, en fait, juste derrière les toilettes, il y avait un trou mais microscopique. Et en fait, bah, je vois le serpent à l'intérieur. Donc bah, j'ai repéré que c'était bien le mien. Et donc après, bah, la galère pour le faire sortir, obligé de décongeler une souris pour lui donner faim, pour qu'il sorte de là, et tout ça, c'est une galère. Avec à côté du McFlurry, la petite souris. La scène, elle est folle. Oh là. Et il va bien ? Oui, oui, bah oh, il va nickel, il a bien grandi depuis, il est toujours avec son pote, et puis il s'amuse bien maintenant, ils sont sortis encore une fois après du terrain, mais depuis j'ai changé de terrain. Et comment ils font, excuse-moi, hein, c'est Louis, comment ils font pour sortir du terrarium ? Bah en fait, au départ, c'était un terrarium que moi j'avais fait moi-même. Donc, vu que j'ai un niveau en bricolage qui est très très moindre, bah, j'avais laissé un petit trou d'aération. Okay. Et puis, vu que ça se faufile un petit peu partout et que ça a de la force, même s'il y a par exemple une aération qui est mal fixée, des choses comme ça, bah, ils se mettent, ils la poussent et en fait, ils arrivent à sortir. Ah, c'est ouf. Ah ouais, bah, ils ont pas les clés. Non, ils ont pas les clés, normalement. Ni des bras. Ni des bras pour se servir des clés. Oui, maintenant, ce sont des serpents. Eh oui. Quelle horreur. Moi, honnêtement, Gwendal, excuse-moi avec tout mon respect, hein, je trouve que t'es vraiment bizarre comme gars. Non, mais mec, quelle idée d'avoir des serpents chez soi. Tu fais ce que tu veux, c'est très. Mais c'est bizarre, c'est chelou. Mais arrêtez là, chacun fait ce qu'il veut. Mais honnêtement, ma life est vraiment à l'opposé de la tienne. C'est-à-dire que moi, je fais tout pour ne jamais en croiser. Et toi, t'es super content quand tu les as chez toi, juste à côté de toi. Ouais, bah en plus de ça, c'est mon travail, donc ouais, faut mieux. Et pour moi, les gens qui ont des serpents, vous apparentez. Enfin, pour moi, vous buvez dans des crânes et vous faites des potions la nuit. Bah, je te rassure, je suis pas comme ça, ça va. Et tu fais quoi dans la vie, Gwendal ? Je suis responsable d'une animalerie. Bah oui, bah, ça explique le truc aussi. Et voilà. T'as les poissons rouges ou pas ? Alors j'ai pas de poissons rouges, j'ai des poissons mais c'est pas des poissons rouges. Oh mais mec c'est de la torture, tu fous les poissons juste devant le terrarium des serpents et qu'ils disent bon bah vaut mieux pas qu'ils sortent là hein, parce que sinon je suis dans la merde là. Il balèze Yukamura là-bas en face qu'elle. Si Yukamura. Si je peux me permettre, tu fous n'importe quel chat devant un bocal avec un poisson, c'est la même chose. Oui c'est vrai. C'est Disneyland hein, pour le chat. Essaye avec Mocha, tu vas voir. Je vais t'avoir. Il va avoir un copain toute la journée. Ouais. Bon Gwendal, merci beaucoup d'être passé, on te fait un gros bisou. Il y a pas de quoi, c'est normal, bonne soirée les gars. Et je fais une dédicace à tous ceux qui ont des serpents qui nous écoutent ce soir dans le Super Show Énergie. On parle des animaux de compagnie. Quelle est la pire frayeur, la pire bêtise que votre animal vous ait déjà faite? Appelez-nous 0800 70 42 48. Tiens, je fais un coucou à Lucas. Lucas de Mérignac qui dit: mon chat a fait tomber mon téléphone derrière le four. J'ai dû démonter toute la cuisine pour le récupérer. Ah, bien. Saleté. Tulasse. Nickel, merci beaucoup. Et les chats, c'est des bâtards. N'oublions pas. Il y a Calice qui est là, salut. Salut. Coucou Calice. T'es de Dunkerque, c'est ça? Oui. Ah, et toi, il y a une histoire avec un poisson rouge, alors? Oui, en fait, c'était... quand j'étais petite, j'avais gagné un poisson à la Ducasse à la pêche au canard. Et à la pêche foraine? Voulais... Oui. Ah ouais. Durée de vie, 4 heures. Et une fois, j'ai voulu aller le nourrir. Et en fait, bah, il était retourné transparent dans son aquarium. Ça faisait à peu près une semaine qu'il était mort. Attends, tu l'avais gagné mort? Non, en fait, je l'ai gardé 4 ans. Non, en fait, elle l'a gardé et juste un moment, elle s'est dit au bout d'une semaine: tiens, si j'allais nourrir le poisson, ça faisait une semaine qu'il était sur le dos. Ah bah oui, il faut le nourrir tous les jours, sinon c'est compliqué. Et t'as oublié de le nourrir? Bah en fait, des fois, vu que j'avais école et tout, bah j'oubliais d'aller le nourrir, donc. Et forcément, c'est plus compliqué. Voilà. On a une tortionnaire au téléphone, hein. Bon, mais on va faire comme si tout allait bien. Tu me feras penser à jamais te laisser Mocha, hein. Je me débrouille pour l'été, t'inquiète, y a pas de soucis. Non, t'inquiète. Il vient en vacances finalement. Oh, c'est gentil. Bon, on te fait un gros bisou, Calice, merci d'être passé. De rien, bisous. Gros bisous. Il y a Sandrine qui va arriver, ça parle cheval. Il y a Rodolphe, ça parle chien. Appelez-nous 0870 42 48. Quelle est la pire frayeur, la pire connerie que votre animal vous a déjà faite? Mathieu de Lille qui a dit sur Insta: ma tortue s'est faite la malle dans le jardin. Je l'ai retrouvée 2 semaines plus tard sous une haie. Ah, pas mal aussi la tortue. Ouais, ça part pas très loin, moi. Ouais, c'est mignon, ça. C'est pas très vite, quoi. Écrivez-nous sur Insta à Bichette, c'est Bichette officiel. Charlie, oui. C'est Charlie Energy. Et moi, c'est Louis Energy. Ça, ce qu'on écoute, c'est Superbus. Ouais. Lola, repris avec Oshi et Nicolas Sirkis. C'est sur Energy. Allô, Lola, ne raccroche pas. Ne mets pas de haut la Lola. J'adore. Reprise de Superbus avec Superbus, mais aussi avec Nicolas Sirkis et avec Oshi. C'est sur Énergie, c'est dans le Super Show. Jusqu'à minuit, c'est le Super Show Énergie. Thank you for sunshine. On est là en direct avec vous, 22h37, avec toujours le match, là, un PSG Liverpool qui est en direct au moment où on se parle. 0-0. Toujours 0-0. Ouais. Et il y a vos messages qui arrivent sur Insta, puisqu'on vous a demandé la pire frayeur que votre animal de compagnie vous ait déjà faite. Vous nous appelez 0870 42 48. Il y a Bichette qui est là. Salut les copains. Il y a Charlie. Oui, bonsoir mes amours. Moi je m'appelle Louis, je fais un coucou à Jordan de Toulouse. Mon lapin a rongé le câble de ma PS5. Ah. J'ai toujours pas digéré la trahison. Ah ouais, les lapins, c'est vrai que ça bouffe les câbles aussi. Ouais. Ça bouffe tous les lapins. Ah mais c'est vrai qu'un jour j'ai eu un dégât des eaux. J'habitais à Saint-Julien-en-Genevois à l'époque. Mm-hmm. Et j'ai une fuite d'eau. Et donc je me dis, tiens, c'est pas possible, il y a un problème. Donc je vais voir la voisine du dessus. Elle me dit, bah non, moi j'ai rien fait et tout. C'était le lapin qui avait bouffé le câble de la machine à laver. Oh merde. Sauf qu'après, il y a un expert. Ouais, il y a un expert d'assurance qui doit venir. Et donc j'ai dû appeler mon assurance. Ils m'ont dit, mais quelle est l'origine du dégât des eaux? Et j'ai dû répondre, un lapin. Pompon. Elle était au bout de sa vie, la pauvre. Et c'était son lapin à elle ? Ouais. Elle avait un lapin de compagnie, elle le laissait en liberté, il était pas chiant, il se posait avec elle sur le canapé quand elle était là et tout. Et un jour, elle était pas là, il a bouffé le truc de la machine à laver, puis moi, je commence à avoir une goutte, deux gouttes, et là, je commence à voir ça s'accélère. Oh merde. C'était un putain de rabbit. Bah, tu sais, Ariane, la fusée qui a explosé. Ouais, c'était un lapin. C'était Pompon. Ouais, bien sûr. C'était Pompon. Il y a Sandrine qui est là, 0870 42 48, salut. Salut l'équipe, ça va ? Ça va et toi ? Eh ben ça va bien, j'ai comme quelqu'un qui va au boulot, écoute. Tu fais quoi dans la vie ? Chauffeur routier, on s'est déjà parlé une fois. Ah mais oui, t'es dans le Jura. Eh c'est ça, tout à fait, c'est ça. Eh ben bon courage, on embrasse tous les routiers qui nous écoutent un peu partout en France. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Sandrine avec des animaux ? Eh ben écoute, le premier cheval que j'ai eu vraiment à moi dans ma vie, c'était un très très bon cheval de concours hippique, donc de saut. Et donc, je me suis présenté à un examen pour monter en grade dans le domaine de l'équitation. Le problème, c'est que lui, il avait beaucoup d'expérience et moi, j'en avais pas assez. Et je me suis payé un râteau, mais un truc de dingue, quoi. Je me suis explosé la tronche, mais d'une force. Ben, je suis arrivé devant un obstacle qui était quand même assez haut, c'était mieux. Et le cheval est parti plus tôt que moi. Aïe. Donc j'ai passé l'obstacle d'1m20 juste avec les bras autour de son cou. Oh, putain. Wow. Mais le problème, c'est que l'atterrissage, il a été très très rude. Et en fait, au moment de l'atterrissage, j'ai relâché les bras, c'était mieux. Et en fait, il m'a marché dessus, quoi. Ah ouais. Mais, il m'a carrément atterri sur... Alors il faisait 750 kilos, il m'a atterri sur l'épaule. Wow. Et le truc, c'est que, je sais pas, il y a quelqu'un qui est à peu près une vingtaine de mètres dans une écurie, qui a entendu ma tronche taper par terre. Ça a fait un drôle de... Et tout le monde a cru, en fait, que plus de son, plus d'image, parce que j'avais tapé la tête. Mais en fait, la douleur était tellement intense au niveau de l'épaule que j'ai perdu connaissance, quoi. Tu m'étonnes. Donc, plus de personne. Et quand je suis revenu à moi, j'ai cherché mon cheval, je l'ai fait marcher comme si de rien n'était. Et peut-être un quart d'heure, 20 minutes après, on m'a demandé « ça va, t'as pas de problème ?» J'ai dit « non, pourquoi j'aurais un problème ?» Parce que t'es tombé, comment ça je suis tombé ? T'as oublié ? Ah, complètement. J'ai que le souvenir, c'était mieux du saut et du fait que je me tenais après le coup, le reste j'ai tout oublié. Putain, c'est parti. Wow. Enfin, à peine tu la touches, à mon avis, t'as vite les souvenirs qui reviennent, quoi. Et je me suis explosé la tronche, mais grave, quoi. C'était mon 12e trauma crânien aussi, hein, donc. Le 12e. Elle a claqué sa tête. Écoute, c'est normal, comme si ça arrivait tout le temps, tu vois. J'étais à mon 4e café de la journée, 2e trauma. C'est ça. J'étais au 12e, et puis en plus, je suis blonde, alors tu vois, ça arrange rien. Attends, allez, Sandrine, 2e ou 12e? Oui. 12e. Mais tu veux pas mettre tes mains quand tu tombes? Si je mets les mains, je te dis pas le dégât, je vais me péter les bras aussi après. Non, c'est pour te tomber. Charlie, Tu veux pas essayer le badminton? c'est vachement plus cool, hein. Ouais, c'est plus cool, mais il y a moins de risques, c'est pas marrant. Ah, je préfère le bowling. Gros bisous Sandrine, merci beaucoup d'être passée avec nous et bon courage pour le boulot. Allez, bisous à tous, salut. Et merci d'être avec nous à chaque fois de nous appeler, ça nous fait trop plaisir. Appelez-nous, quelle est la pire frayeur, la pire connerie que votre animal vous a déjà faite? 0800 70 42 48. Les gars, les histoires sur le standard. Attends, Rodolphe? Oui. Rodolphe, je te prends tout de suite juste avant, faut vraiment faire passer Jérémy. Jérémy? Oui, salut. Raconte-moi l'anecdote qui est marquée sur mon standard. Alors, tout simplement, moi, le soir, régulièrement, quand on sort en fumée, je voyais passer des lapins dans le quartier. Quelques jours plus tard, donc, mon chat a commencé par ramener un corps qu'on a deviné d'un lapin. Puis quelques heures après, on a eu la tête sans les oreilles, puis les oreilles. Donc bref, il m'a ramené en pièces détachées. Sympathique à la maison. Et en plus, quand il te le ramène, pour lui, c'est un cadeau. Hey. Ah, c'est ça, c'est un cadeau, il était vraiment content. Hein. Et pour toi, c'est un puzzle. Bon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais les enfants et ma femme, ils aimaient moins. Voilà. Et quelques jours après, je vais prendre l'apéro chez un de mes voisins, qui lui aussi s'en fumait, on se voyait régulièrement. Je lui dis, dis-moi, c'est moi qui bois trop d'apéro ou toi aussi, quand tu s'en fumais, tu vois des lapins traîner dans le quartier? Et il me dit, le voisin, il a offert de lapins à ses filles, mais il en manque un. Non, le bâtard de chat. Oh, donc le fameux lapin en question, c'était bien Pompon de ton voisin d'à côté. Le cadeau pour les petits. Oh la vache. C'est ça. Ah, c'est dommage qu'il n'aurait pas offert une PS5. J'aurais ramené un joystick. Il aurait ramené, ouais, mais en morceaux, je ne sais pas s'il aurait bien fonctionné. Le bouton croix. Quelle horreur. Ah, celle-là, elle est pas mal. Pauvre lapin. Bah, celle-là, elle est pas mal. Gros bisous, Jérémy. Merci d'être passé avec nous. Merci. Bonne soirée. Salut, il y a Rodolphe aussi qui est là. Et vos messages, il y a Julie qui dit: de Montpellier, j'ai cru que mon chat était mort. Il était juste en train de dormir tellement profondément qu'il réagissait plus. J'ai failli appeler le véto en panique. Mais ça arrive à vachement de gens. Ouais, les animaux qui dorment bien. Mais les chats, ça vous est jamais arrivé, le chat? Non. Après, non. Mais j'ai vu des vidéos, effectivement, les gens, ils prenaient des chats, ils dormaient. Et vraiment, il les levait. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Il est secoué. Mais oui. Le chat, il dort, quoi. Ah ouais, j'avais un chat, il s'appelait Shipper. Et tout le temps il faisait ça. Une fois par mois il faisait ça. Il dormait tellement que... Et je le secouais, mais je pouvais le secouer ultra fort. Il captait pas. Puis au moment il se réveillait comme s'il rien n'était, en mode qu'est-ce que tu fais, frère? T'es sûr qu'il faisait pas juste des arrêts cardiaques, ton chat? Bah, il est plus là aujourd'hui pour en parler. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il est plus là. La sieste de trop. Bon, Rodolphe de Rouen est avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Eh ben écoute, déjà bonsoir à tout le monde. Ouais. Ça fait toujours plaisir de vous avoir au téléphone. Bah nous aussi on est contents. Ouais, vous vous rappelez de moi? Ah, c'est Rodolphe Lorraine. Voilà. Bon, non, en fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que, à l'époque, j'avais un labrador, un chocolat, qui était jeune, qui avait à peu près un an. Mmh. Avec mon épouse, on était allé faire nos courses, on est rentré à la maison, on a rangé toutes nos courses, et puis on a été obligé de repartir parce qu'il nous manquait quelque chose dans un autre magasin. Et quand on est rentré, on a eu la surprise, c'est qu'on avait acheté un paquet de 24 rouleaux de papier toilette et qu'on avait laissé dans l'entrée. Et ben du coup, ça s'est retrouvé étalé partout, dans le couloir, dans l'entrée. Le chien, il s'est bien défoulé, quoi. Donc, obligé de repartir pour racheter un paquet, parce que le chien avait vraiment tout bouffé. Ah, mais il les bouffe ou il joue juste avec, il les déroule? Ah ben, il les a déroulés, il les a déchiquetés, voilà. Donc, et la réaction de mon épouse a été quand même assez surprenante, parce qu'elle m'a dit: oh ben c'est normal, à son âge, j'ai fait sa crise d'adolescence. C'est vrai. C'est bien, rassurez-vous. Ouais. Moi aussi, ma chérie, elle compte les années de mon chat comme s'il était ado, en fait. Et alors, il a quel âge? Là, il a 12 ans. En âge humain? Alors que en âge humain, alors qu'il a vraiment 7 mois, quoi. Bah oui, oui, bah oui. Mais par contre, c'est comme il est en crise aussi, il a 12 ans. D'accord. Hâte qu'il soit en EHPAD. Ah oui, le pauvre. Ouais. Gros bisous, Rodolphe. Non. Merci beaucoup d'être passé. Merci, à une prochaine. Elle s'appelle comment, ta chérie? Ma chérie, c'est Isabelle. Voilà, j'ai cru qu'il allait confondre avec le nom du chien. Le chien, ouais. C'est-à-dire, attends, ouais. Ma chérie, laquelle déjà? Le chien, déjà, il n'est plus de ce monde. Donc, Il a bouffé trop de PQ. Voilà, il a bouffé trop de PQ. Voilà. Il fallait lui donner les croquettes à côté, sinon ça nourrit pas. Hein. Non, mais cette chienne, elle m'en a encore fait d'autres pires. Alors, donc, Tu sais quoi, on va bien te garder au chaud, tu repasseras avec nous, Rodolphe. On te fait un gros bisou. D'accord, allez, une prochaine. Salut, merci d'être passé avec nous. Et tiens, je fais un coucou à Lynn qui m'a fait un vocal sur Insta. Je vous le fais écouter parce que tous ceux qui ont des chiens, ça vous concerne. Hello Louis, hello l'équipe. Alors moi, mon chien a eu la grande idée de se défoncer une boîte de chocolat Lindt. Et pour continuer dans sa connerie, il a été mettre en fait la boîte de chocolat Lindt dans le panier de notre autre chien, en faisant peut-être penser que c'était pas lui qui avait bouffé les chocolats. Donc voilà. Et il faut savoir que les chocolats, c'est hyper nocif pour les chiens, mais ça va, c'est une grosse bête. On a fait ce qu'il fallait après, mais voilà, grosse frayeur, quoi. Mais il s'est bien fait plaisir avec une boîte entière de chocolat Lindt. Bonne soirée l'équipe, ciao. Bah, merci Lynn pour ton message. Après, faut avouer, c'est tellement bon le chocolat Lindt. Génial. Le move du chien qui va planquer la boîte. Énorme. Le chien, c'est génial. Pour être quelqu'un de l'équipe, ça. Oui. Oh, Bichette, c'est le genre de truc qu'il peut faire. Hein. Ouais. Bah, ouais. C'est peut-être ton double côté chien. Oh, mais c'est certainement mon double côté chien. C'est peut-être même pas forcément chien, d'ailleurs, c'est juste mon double, en fait. C'est peut-être toi, c'est peut-être Bichette, en fait. Bien sûr. Voici Rihanna sur NRJ. On peut pas passer tout le monde, mais merci de nous avoir appelé au standard. On refera un sujet comme ça. Et merci pour vos messages sur Insta. On est de retour dans deux minutes, c'est le Super Show. Un petit classique de Rihanna, ça fait plaisir. Là, on était à fond dans le studio, on a chanté. Bienvenue sur NRJ, on est en direct. Il est 22h51 et il y a le match, la PSG-Liverpool. Oui. Et alors, il y a combien là? Allez, Liverpool a mis un but. Aïe. Ça pue là. Alors, on va avoir des foules de supporters déchaînés qui vont sortir parce que le stade est juste à côté de la radio. Ah, parce qu'ils jouent ici là? Ouais. Putain. C'est bien ça. Ah non, c'est pas bien, on va galérer à repartir. Ouais, j'espère que Bichette, ils vont te péter ta voiture dans la rue là. je l'ai mis au parking de la société aujourd'hui, donc tout va bien. Ouais, ils ont des badges. Ah oui, bon, bah, ouais, bah d'accord. Alors non, ils les ont pas encore, mais on va leur donner. Ouais, oh non, ils sont rentrés sous le nom de Louis Daubé. Je pense que s'ils rentrent et qu'ils pètent la voiture, la première voiture qu'ils vont péter, ce sera pas la mienne, ce sera clairement celle de Louis. Ouais, parce qu'ils pensent que la tienne est déjà pétée. C'est bon, ils l'ont déjà faite, celle-là. Ensuite. Je comprends déjà... pas, Jimmy, tu as déjà fait. Ils sont déjà passés à la mi-temps ou quoi? Bon, bah voilà, peut-être que vous êtes en train un petit peu de suivre le match à moitié, comme j'embrasse Lionel, notre agent de sécu, qui fait aussi les deux, qui nous surveille mais qui regarde le match. Et en ce moment, il y a aussi la nouvelle saison de Koh-Lanta qui a commencé. Ouais. Alors, c'est vrai que j'adore, je sais que Charlie aussi. J'adore. Très premier degré sur Koh-Lanta. Toi, Bichette, t'es pas trop Koh-Lanta? Non, non. Alors, pas du tout. Je pense que j'ai jamais regardé un seul épisode entier. Mais alors, l'info que j'ai va te concerner aussi, parce que c'est une info pour tout le monde. Si vous aimez Koh-Lanta, si vous n'aimez pas Koh-Lanta, ça va vous faire kiffer. Mmh. Parce que j'ai découvert un truc, je ne savais pas, mais il y a des règles très précises, vous savez, dans Koh-Lanta. Et il y a une règle que les aventurières, donc uniquement les filles, n'ont pas le droit d'avoir. La moustache. C'est pas la moustache. Il y a un truc qu'elles peuvent pas avoir par rapport aux mecs. Mais d'un côté, les mecs, ils en portent pas non plus. La moustache. Non. Ils bloquent sur la moustache. T'as une idée ou pas? Non, mais enfin, attends, j'ai pas compris. Il y a quelque chose que les meufs... Et en fait, les filles, elles ont une règle en plus par rapport aux mecs. Ah, je sais. Vas-y, Charlie. Un léger duvet en dessous du nez. Oh, putain. C'est chiant. Non, les filles, donc les aventurières, n'ont pas le droit de porter des maillots de bain une pièce. Ah, putain, c'est vrai, ouais. Bah, c'est vrai qu'ils sont toutes en bikini. Pourquoi elles ont pas le droit? Eh ben, en fait, elles doivent obligatoirement mettre un bikini. C'est une règle imposée par la production depuis plusieurs saisons. Et la raison, c'est pour éviter qu'elles aient un avantage par rapport aux hommes. Parce qu'un maillot de bain, une pièce, ça protège mieux du froid et ça colle moins à la peau quand t'es mouillé. Et protégé du froid, t'es sur une île paradisiaque, il fait 38 degrés. Mais il passe 4 heures dans l'eau des fois, même si l'eau est à 28, t'as froid au bout d'un moment. T'as pas froid, mais au bout de 4 heures dans l'eau sans bouger, en piqué comme un koala, t'as froid, Bichette. Il y a beaucoup d'épreuves où ils sont 7 heures dans l'eau en piqué comme un koala. Oui, bah tous les deux jours, voilà, c'est le principe du jeu. Et pourtant, les mecs ont droit au slip de bain. Les mecs ont le droit, ouais, ont le droit au slip de bain. Ouais. Deux pièces. Ah, par contre, non mais tu vois, pour tous ceux qui regardent, moi c'est vrai que je me suis fait, quand j'ai vu le truc, je me suis fait la réflexion, je regarde toutes les saisons, je me suis dit c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas vu une fille en maillot de bain une pièce. Et t'as lu tout le livre des règles? Non. Ah d'accord. Mais je crois qu'il y a même pas de livre d'art, et que c'est Denis qui l'a dans un coffre-fort chez lui, il connaît toutes les règles par cœur. Et il parle pas de poils au-dessus des lèvres. Non, je pense Charlie. Oui. D'accord. Donc, rien à voir avec la moustache. Non, je pense. D'accord. T'as un petit problème là-dessus peut-être, hein? Ah, je fais une petite fixette là, j'ai l'impression. Ouais, ok, ouais, ça marche, y'a pas de soucis. Si vous voulez nous appeler pour jouer, dans 3 minutes, il y a le Haki Compense qui arrive sur NRJ, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous voulez offrir ce soir? Une moustache. J'ai un duvet, on a des enceintes, on a des écouteurs, on a une télé. Partons sur la moustache. Oh, la télé. On vient de parler de Koh-Lanta, on fait la télé. La télé. Allez, appelez-nous maintenant sur NRJ. Dans 3 minutes, on joue pour une télé LED 32 pouces. 0800 70 42 48. Et on s'écoute tout de suite Lola Young avec son hit qu'on passe en boucle sur NRJ, qu'on adore. C'est à mettre très fort. You know I'm impatient. So why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I get what you say. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. while you out getting stoned at 4 o'clock, and then you come home to me. Inscriptions pour le jeu à qui qu'on pense du Super Show Energy sont ouvertes. 0800 70 42 48. Oui, parce que c'est maintenant. On joue à qui qu'on pense sur Energy. Appelez-nous 0800 70 42 48. Télélette 32 pouces à gagner. Salut Eva. Ah, nickel. Ouais, bah écoute, parfait. Non, bah, toi aussi, hein, on a la cool, hein. C'est ça. Ah, ouais, ça va être sympa là. On va passer un bon jeu là. Pas le réseau. Ah, je le sens arriver là. Attends, on va te Sors l'antenne. On va te reprendre parce que soit t'es haut-parleur, soit ça résonne un tout petit peu. Et en attendant, on fait un coucou à Lucas. Salut Lucas. Salut. Lucas, t'es d'où en France? Moi, je suis de Méry-sur-Seine. Très bien. Dans l'Aube. Dans l'Aube. Et bah, dédicace à l'Aube ce soir qui nous écoute. Bienvenue sur Energy. Il est 23h tout pile. On va jouer pour gagner la toute nouvelle télé-LED 32 pouces. Lucas face à Eva de Montpellier. Eva, t'es prête? Nickel. Oh, on va passer un bon jeu là. On va essayer. Yes. Faut trouver du coup la personnalité réelle ou fictive à laquelle on pense. Vous posez chacun des questions, chacun votre tour. Et vous avez deux indices, celui de Charlie, celui de Bichette. Bonne chance. Eva, c'est toi qui commence. Dis non. Eva, t'es chez toi, tu veux pas sortir? Ouais, c'est ce que je me disais. Ouais, parce que sinon ça marchait pas. Ah mais tu mets une petite écharpe et tu sors en 5 minutes, le temps de gagner une télé. Allô, Eva? Il a fait quoi là? Et elle est en train de sortir de chez elle, Eva, en ce moment. Eva dehors. Eva. Je veux la télé. Sors, Eva. Sors de chez toi. T'as la télé. Allô, Eva. T'as y a Olivier Mini, il va débarquer. Ah, putain, c'est bon. Tu nous entends? Bah oui. Quoi? Bah oui. Attends, Je vous entends, vous foutez de ma gueule depuis tout à l'heure. Ok, c'est bon. Non, pas du tout. Okay. On se moque pas. Quand elle s'énerve, on l'entend nickel. Ah, ça c'est reparti. Bon, vas-y, Eva, première question, c'est à toi. Personnage fictif ou réel? Personnage réel. Lucas. Est-ce que c'est un homme? Oui, c'est un homme. Eva. Un homme connu? Oui, c'est un homme connu. Lucas. Acteur? Ce n'est pas un acteur. Eva. Chanteur? Chanteur, tu dis? Ouais. Non, c'est pas un chanteur. Lucas. Indice de Bichette. Indice de Bichette, on écoute. Il y a un imposteur parmi les trois, là. Eva. Deuxième indice. Deuxième indice de Charlie, on écoute. Bon, même si Timo InShape m'a dépassé, c'est pas grave, parce qu'il est beaucoup plus costaud que moi, donc je vais rien dire. Lucas. J'ai une proposition. Squeezie. Tu veux faire une proposition? Oui. Tu proposes le Squeezie? Yes. Eh ben c'est la bonne réponse, Lucas, c'est gagné. Et oui, premier indice, il y a un imposteur parmi les trois pour le jeu de l'imposteur. Et l'indice numéro 2, Thibaut InShape m'a dépassé, mais c'est pas grave vu qu'il est baraque, puisque Thibaut InShape est devenu premier youtubeur de France. Ouais. Après, il y a une petite guéguerre, parce qu'il y a les shorts, pas de shorts. Voilà, là. On embrasse les deux. Squeezie, c'était la bonne réponse. Et du coup, Lucas, tu gagnes la télé LED. Félicitations, Lucas. Super les gars. Désolé. Je vous écoute. Je vous écoute tous les soirs quand je suis en route avec sur la route avec le car. Donc, t'es conducteur de car. Oui, je suis conducteur de car effectivement, oui. Bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Lucas. On fait une grosse dédicace à tous les conducteurs de car qui nous écoutent du coup. Gros bisous, collègue, qui roule. Bah grave. Et kiffe bien avec la télé. Tu nous fais une photo. Il n'y a pas de souci, je vous enverrai ça. Parfait. Dédicace à l'aube, des bisous, Lucas et Eva. Merci beaucoup. Et ben, voilà. Salut, bonne soirée. On fait gagner un abonnement SFR la semaine prochaine. On te fait un gros bisou, dommage. Eva. On joue pour un pylône. Pour un Starlink. Voici Kenji sur NRJ, c'est le super show. Merci, tu fais nos bêtises. T'as tout ramassé. Mon cœur en miettes, tout balayé, les paillettes. La vie est papier, et moi poète. Je t'écris la vie d'après, sois prête. J'ai changé pour toi, j'ai changé tellement. J'ai fait mon choix pour mille ans. J'ai changé pour toi, infini. Attends, regarde-moi, sois ma famille. Prends ma main, me voilà ton homme accompli. Regarde-moi, en repenti. Prends ma main, me voilà ton homme pour la vie. Oh, j'ai changé, changé, changé, changé. C'est normal. Et un jour, en un sourire, sauve l'avenir. J'ai changé pour toi, j'ai changé tellement. J'ai fait mon choix pour mille ans. J'ai changé, tu vois, obstiné. On est là sur NRJ en direct et comme tous les soirs, moi je m'appelle Louis, Bichette est là. Salut les copains. Il y a aussi Charlie. Oui, bonsoir mes amours. 22h minuit, c'est tous les soirs du lundi au jeudi et on va reparler des Oscars là. Ah, oui, parce que lundi soir dans l'émission, nous avons débriefé la cérémonie, vous avez le podcast de dispo. Ouais. Enfin débriefé, c'est un grand mot. On a parlé quoi. Voilà, c'était vraiment trois mecs qui ont parlé d'un truc dont ils connaissaient même pas un acteur. Mais on en a vite fait parler. Ouais, par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et je suis tombé dessus après. Chaque année, je sais pas si vous êtes au courant, mais pour les Oscars, il y a un gift bag, donc un grand tote bag avec des cadeaux. Ouais. Offert à tous les nommés des catégories reines des Oscars. Il y a des goodies quoi. Bah, alors, tu vois, oui, sauf que tu vas voir les goodies. Il y a des goodies quoi. Bah, c'est pas un mug Manu dans le 6-10 là. Tu vas voir. Ouais, on est sur un truc de ouf là. Bah, c'est déjà très bien un mug Manu dans le 6-10. Ah, bah, c'est déjà génial. Moi, le kit de l'été, je l'ai tous les étés. Mais voilà. Là, écoute bien les cadeaux. Donc, déjà, c'est pour les catégories reines des Oscars. Donc, meilleurs acteurs dans un second rôle. Meilleure réalisation et aussi, fun fact, pour le présentateur de la cérémonie. Ah, pour Conan. Ok, d'accord. Voilà. Conan et donc, O'Brien. Cette année, le gift bag avait une valeur de 200 000 dollars. Ah oui, effectivement. Ça fait un gros mug, Manu dans le 6-10. Voilà. Donc, vous voulez savoir ce qu'il y a dedans ? Vas-y. Alors, déjà, il y a des produits de luxe. Il y a un séjour aux Maldives. Quoi ? Il y a un autre séjour à Barcelone. Oh la vache. Il y a même des vêtements de luxe pour chiens. Ah ouais. En fait, c'est un délire, c'est un truc vraiment très premium, tu vois. Ok, oui, okay. Oui, c'est pour les stars. Okay. D'accord, ouais. Voilà. Et alors, ils ont le choix de l'accepter ou pas. Et du coup, comme j'ai dit, même le présentateur en a un. Oui, donc si c'était toi qui présentais les Oscars, bon. Bah alors, non seulement je prends le mien, ouais. Et puis je vais gratter les autres. Eh ouais, toi, tu l'as. Je peux prendre les Maldives là. Toi, tu prends pas, toi. Je vais faire deux semaines comme ça. Toi, t'as quoi? T'as séjour au Barcelone? Tu vas pas à Barcelone? Bon. Avec les Césars, mec, ils avaient un gift buy. Genre, t'avais un. C'était le Formule 1 de Vierzon, ce qui n'avait rien à voir. En Ouigo. C'est pas mal, bon séjour. Mais avec une prise. Donc, ah, c'est sympa quand même. Bon, nous, ça nous a donné une idée dans le Super Show Energy. Nous aussi, maintenant, écoutez bien, il est 23h07. Nous vous offrons le gift bag Super Show. Wow. Attention, hors de question d'être ridicule par rapport aux Oscars. Mm-hmm. On va vous offrir des cadeaux d'une valeur inestimable. Si vous voulez tenter votre chance, si vous voulez gagner dans 2 minutes en direct sur Energy, ce gift bag du Super Show Energy, il faut nous appeler maintenant. Quand je dis dans 2 minutes, c'est pas une vanne. Allez. C'est juste après Upsilon. On joue avec l'un ou l'une d'entre vous qui aura appelé le standard Energy. À vous de jouer maintenant. 0800 70 42 48. J'ai hâte de jouer. Et les cadeaux, je peux vous dire, le séjour en Maldives à côté, ça arrive. Énergie que vous écoutez, on vous offre ce soir le gift bag du Super Show Énergie. Pourquoi ? Puisqu'on parlait des Oscars il y a quelques minutes, et les Oscars, donc c'était dimanche aux States. Ouais. Et en fait, il se trouve que certaines personnes pendant les Oscars, donc les plus gros, c'est-à-dire ceux qui font partie des plus grosses catégories, et le présentateur de la soirée, ouais, gagnent un gift bag d'une valeur de 200 000 dollars avec des cadeaux de fou, avec un séjour aux Maldives, avec un séjour à Barcelone, avec des vêtements de luxe. Et du coup, nous, on s'est dit que bah, nous aussi, dans le Super Show Énergie, on allait offrir le gift bag du Super Show Énergie. Bien sûr. Et donc pour ça, il fallait nous appeler. Et il y a Yavin qui est avec nous. Coucou Yavin. Salut l'équipe, bonsoir. Salut Yavin. Ça va bien ? Ouais, ça va et vous ? Oui. Est-ce que tu mesures la chance que tu vas avoir de participer à ce jeu ? Parce que je crois que les cadeaux, t'es pas prêt. Hein. Ah bah si je gagne un séjour aux Maldives, c'est cool. Hein. Je suis content. Alors moi je vais te dire, pour moi c'est un peu mieux que ça, en vrai. Je t'écoute. Eh ben écoute, c'est parti. Alors déjà, c'est pas moi qui vais te dire les cadeaux, c'est SCH. Parce que c'est un copain et on voulait absolument de l'inviter. Okay. Moi, je vais te poser les questions. Et donc, bien évidemment, dès que tu réponds mal, une mauvaise réponse sur une question, on passe à celle d'après. Mais par contre, le cadeau, du coup, il baissera un peu en gamme. Ah, ça change. Ok. J'ai le droit du coup. Il y a combien de questions en tout? Bah en fait, jusqu'à que tu gagnes. Ouais, jusqu'à ce que tu gagnes. Parce que... En fait, dès que j'ai une bonne réponse, c'est bon alors. Ah bah là, tu réponds bien à la première. C'est bon, c'est gagné quoi. C'est... Ouais. Alors voici, on joue pour la première pour. SCH, vas-y, tu peux. Ouais, salut l'équipe, c'est SCH. Ce soir, dans le gift bag du Super Show, il y a une voiture de sport, incroyable. Il y a une journée en studio avec Pierre Garnier, incroyable. Une villa sur la Côte d'Azur et 1 million d'euros en cash, mon fraté. Wow. Oh. Oh là là là là là là là là. Ah ouais, un million en cash. Yavin, voici la question. Je suis prêt. Tu as 3 secondes pour répondre. Qui est Arthur Julius et quelle a été son invention majeure? C'est facile. Je sais pas, ça a été dans le cinéma, il a inventé une caméra pour filmer. C'est perdu. Oh, oh non, putain. Mince. Arthur Julius était bien évidemment un homme d'affaires américain et c'est donc l'inventeur de la lingette humide. Eh oui, mais c'est hyper connu, ça, tout le monde le sait. C'est pas grave, c'est pas grave. On passe à la prochaine question. Yavin, tu te rends compte que tu viens de perdre 1 million d'euros en cash là? Ah, t'es pas la voiture de sport là? Dommage. Ah non, non, en fait. Il y avait ça aussi, ouais. Alors là, tu jouais pour une voiture de sport, une journée en studio avec Pierre Garnier, une villa sur la Côte d'Azur et 1 million en cash. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bon. Déjà, la bagnole, bah, on va la rendre à Europe Car, parce que c'était une lock. C'est terminé. Attends, il y a peut-être d'autres choses dans le prochain tote bag. Ah bah on écoute, SCH nous donne la prochaine. Voilà, team, c'est toujours SCH. Une voiturette de sport à gagner dans le gift bag. Une journée en studio avec Kinsey, incroyable. Une villa sur la Côte d'Azur, juste celle-là, il n'y a pas la vue sur la mer. Et 30 000 euros en cash, c'est cadeau. Ouh. Très bien, c'est pas mal là quand même. Hein. C'est pas mal. Ça reste un beau gift bag, quoi. Yavin, t'as entendu? Ouais, ouais, je suis prêt. Alors, du coup, la question, forcément, est un petit peu plus simple. Que veut dire cette phrase en latin? Iscificus penentes abet pericliatatur ut pardon, fructum acetar.